Vous êtes bien sur la boîte vocale des cinéphiles en confinement. Nous sommes actuellement en train de regarder un film, alors n'hésitez pas à nous laisser un message pour nous conseiller le suivant. Oui, bonjour, ici Adeline. Alors je suis très déçue d'avoir personne au bout du fil, que vous ne soyez pas dispo pour discuter avec moi, parce que ça y est, je m'étais motivée, on m'a dit « Adeline, c'est le confinement, c'est la merde, tout le monde s'ennuie, est-ce que tu n'aurais pas des idées de films à nous partager ?» Alors, moi j'ai plein d'idées, de choses à partager, j'avais fait une super liste, et là, bon bah, personne ne répond, donc je vais me résigner à en parler pendant ce petit message vocal. Alors, on m'a demandé de parler de films, moi j'ai un gros problème, c'est que j'adore les films, hein. Là je me suis rematé plein de Scorsese, j'ai regardé des super films pendant le confinement, mais en fait c'est pas tant de ça dont j'ai envie de parler, parce qu'en tant que série-film, moi ce que je conseille en période de confinement c'est le binge-watching, vraiment très motivé, et donc c'est ce que j'ai fait pour ma part. Je l'ai fait premièrement en regardant Le jeu de la dame, qui est une série incroyable adaptée d'un roman de Walter Travis, qui est un vieux roman en plus, qui date un petit peu, je crois que c'est des années 60. C'est vraiment une super série Netflix qui, à la plus grande surprise de tout le monde, continue de faire des super séries au milieu de plein d'autres très mauvaises séries. De temps en temps, il y a une petite perle qui ressort et celle-ci en fait partie. Je sais que beaucoup de gens en parlent déjà, mais je tiens à remettre voilà, une couche de ma part parce que c'est vraiment louper quelque chose que ne pas la regarder. Pourquoi c'est une série incroyable? Parce que déjà, en tant qu'actrice principale, ils ont Anya Taylor-Joy. C'est une actrice qui est en train de monter en ce moment, qui est très jeune, qui est super, qui a notamment joué dans un très bon film, très drôle, qui s'appelle Pur Sang, avec un humour noir assez grinçant, mais qui a également joué dans Split de Shyamalan. Anya Taylor-Joy, du coup, interprète dans Le jeu de la dame une jeune prodige en échec, qui, dans un monde alors dominé par les hommes, va se faire une place en tant que femme. C'est une série qui est vraiment magnifique. Elle est magnifique déjà parce que son actrice principale est magnifique et rousse, et ça nous fait tous quelque chose. C'est un personnage qui aurait pu se révéler froid parce que voilà, il y a tout ce jeu sur le génie un peu psychotique. Au début, on a un peu peur que ça ne sera centré que sur ça, que ça tombe un peu dans des clichés, mais en fait la série elle sort carrément de ce schéma narratif-là, elle va très loin, elle développe super bien son personnage qui se révèle très bien attachant, elle développe très bien tous les personnages secondaires qui sont joués par des super acteurs, visuellement c'est incroyable, les styles vestimentaires, les décors, tout va bien, la réalisation elle est dingue, il y a des côtés extrêmement glaçants, il y a des côtés extrêmement entraînants et en fait on sait pas si on est, voilà, si l'ambiance est positive ou négative, c'est toujours un peu dur à dire avec cette série. Mais c'est vraiment un enchaînement de tournois d'échecs et ça rend passionnant. Quand bien même on n'y connaît rien. Moi, j'y connais rien aux échecs et j'ai trouvé ça super de les regarder jouer. J'ai aucune idée de ce qui se passait, mais tout se joue dans les regards. Enfin, c'est vraiment une réalisation folle. Ce qui est hyper intéressant avec cette série, c'est qu'il y a toute une analyse de cette série dont le schéma narratif serait construit sur le schéma du Neketsu, qui est un schéma japonais, qui est en fait le schéma narratif un peu basique du manga pour adolescents. Je sais pas pour ceux qui connaissent les mangas, si vous avez vu Naruto ou autre, c'est ce jeune gars, il est orphelin, ou alors il a perdu son père, ou alors il est un peu tout seul, on sait pas trop pourquoi. Il se découvre, il est super déterminé, il a un objectif, il se découvre une passion. Il veut devenir le chef du village, il veut devenir le super ninja, il veut devenir voilà, le plus fort des pirates. Enfin, il y a plein d'exemples. Ce personnage, il a pour qualité d'avoir c'est un prodige en fait, il a un secret, il a une capacité secrète qui va lui permettre de monter. Soit c'est quelqu'un qui a une très grande détermination et grâce à la force de l'amitié va y arriver. Ce qui est incroyable dans Le jeu de la dame, c'est que c'est exactement cette construction-là. Donc c'est une jeune fille orpheline qui se révèle être prodige des échecs. Elle a un rêve, devenir la meilleure joueuse d'échecs au monde. Et elle va avoir voilà, plein de rivaux, plein d'amis qui vont l'aider ou pas à y arriver. Il va y avoir toute une série de tournois. Le tournoi, c'est très intégré dans le schéma narratif des mangas. Et en fait, pourquoi ça marche? Parce que ce schéma narratif est hyper identifiable, il s'applique à tout. Et c'est très prenant, et pas que pour les adolescents, pour les jeunes adultes aussi, ce qui est très clairement le public visé par Le jeu de la dame. Mais aussi pour les beaucoup plus âgés. C'est vraiment quelque chose en fait, qui a une volonté universelle. Et c'est très drôle de voir... Concrètement, Le jeu de la dame, c'est un shonen. Un shonen, c'est les mangas spécialisés pour les adolescents garçons au Japon. Le jeu de la dame, c'est vraiment un shonen des échecs. C'est le Naruto des échecs. C'est très très drôle à regarder. Voilà, je vous le recommanderais pas assez. Vous allez tomber amoureux de cette série, tomber amoureux d'Anya Taylor-Joy. Moi, en tout cas, je le suis. Du coup, je le recommande très vivement. En partant totalement sur autre chose, qu'est-ce qu'on regarde aussi pendant le confinement? Parce qu'on est confiné, on regarde les histoires de gens qui sont coincés entre des murs et risquent de se faire bouffer. Là, je conseille cette fois-ci une série animée japonaise qui s'appelle L'Attaque des Titans. Bon, si vous y connaissez un petit peu en animation japonaise, vous connaissez L'Attaque des Titans. Forcément, c'est un must-see. Moi, je me suis refait toutes les séries, là, toutes les saisons pendant le confinement, en prévision de la saison 4 qui a commencé ce week-end. Je continue de recommander cette série. C'est une série folle qui est adaptée d'un manga de Hajime Isayama, qui est vraiment très très bien. Par contre, voilà, le manga est un peu dur à lire parce que visuellement il est très particulier. Certains diraient moche, d'autres disent que non, c'est un style monstrueux qui s'adapte très très bien au contenu. Bon voilà, chacun son avis. Moi je trouve que le manga est super, mais que l'anime le rend joli. Rien que pour ça, ça vaut le coup de regarder. L'Attaque des Titans, c'est quoi? C'est concrètement un chef-d'œuvre. C'est des êtres humains qui sont coincés entre trois murs dans une espèce d'univers moyenâgeux. Derrière les murs, il y a des espèces d'énormes titans tout nus et géants qui les bouffent, donc ils peuvent pas sortir. Et on suit un jeune garçon qui voit sa mère se faire bouffer par un titan et qui se dit « Ok, je vais aller tous les exterminer ». Ça part assez classique, on a l'impression que c'est quelque chose d'assez basique en termes de scénario, mais en fait le scénario est dingue, ça part dans tous les sens, c'est hyper intéressant, tout est très cohérent, très bien construit, c'est des twists et des twists et des twists, c'est vraiment, enfin, vous pouvez pas vous attendre au scénario, il y a rien de prévisible dans le scénario, et pourtant ça fonctionne toujours, et à chaque fois qu'on a une révélation, on se dit bah oui, évidemment que ça mène à ça. Et c'est tellement rare les séries qui arrivent à faire ça, les séries voilà, qui ont un scénario difficile et qui arrivent à le tenir tout du long, c'est très compliqué, L'Attaque des Titans le fait très très bien. L'animation est folle. Sur les trois premières saisons, c'est une animation dingue de Wit Studio. Et sur la quatrième saison, c'est le studio MAPPA. Pour l'instant, il n'y a qu'un seul épisode qui est sorti, mais a priori, ils tiennent très bien leurs promesses sur la saison 4, donc je m'inquiéterai pas trop. Juste regardez L'Attaque des Titans, ça vous donnera vous aussi envie de vous déconfiner en sortant de vos murs et en allant buter du titan, c'est très sympa. Sur un style encore totalement différent de gens confinés. J'aime bien les séries avec des gens confinés en ce moment. Qu'est-ce que je suis en train de regarder en ce moment? Je suis en train de me re-regarder probablement la meilleure série de science-fiction de tous les temps. En fait, je me permets de l'affirmer, de mon point de vue, c'est la meilleure série de science-fiction de tous les temps. Je suis en train de me re-regarder Battlestar Galactica. Alors, Battlestar Galactica, pour ceux qui ne connaissent pas, honte à vous, pressez-vous d'aller regarder ce chef-d'œuvre. C'est une série de science-fiction de Ronald D. Moore qui est sortie en 2004, rien que ça. Et croyez-moi, ça n'a pas pris une ride. Enfin, si, le générique de début est naze. Vraiment, c'est un générique des années 2000. C'est vraiment très drôle à regarder. Oui, il y a quand même deux, trois petites musiques bien militaires qui passeraient moins maintenant. Mais ça se regarde très bien. De quoi ça parle? C'est très classique à la base. On a l'impression de partir sur un roman d'Isaac Asimov. Les hommes ont créé des robots. Les robots se sont rebellés. Et il y a une guerre contre l'humanité. Le Battlestar Galactica est le seul rescapé de cette guerre. Et donc, du coup, c'est un énorme vaisseau spatial avec les derniers survivants de l'humanité en recherche d'un foyer, qui sont évidemment poursuivis par ces robots qui s'appellent des Cylons. Battlestar Galactica, c'est génial parce qu'en 4 saisons, ça aborde absolument tout ce que ce type de scénario pourrait aborder, ça le fait très bien. Ça aborde la politique, ça aborde les problèmes de société, les classes sociales, la religion, l'existentialisme, Dieu, c'est vraiment super, ça traite tout. Les personnages sont hyper bien développés, les personnages principaux sont incroyables, les personnages secondaires sont vraiment très bien écrits. Il y a plein d'intrigues secondaires, mais qui sont justement là pour montrer à quel point l'univers est riche. Ça va très loin dans son scénario, c'est tout ce que ça peut traiter, ça le traite. Il y a beaucoup d'action, beaucoup de suspense, beaucoup de moments plus posés, avec beaucoup de philosophie aussi. C'est très particulier, très spécial. C'est très unique, il faut vraiment le découvrir. En fait, il n'y a pas de défaut sur Battlestar Galactica. C'est 4 saisons de bonheur et ça mérite son titre de chef-d'œuvre. C'est une histoire qui est complète. Je sais pas quoi dire en fait parce que j'aime tellement cette série. Juste regardez-la. Voilà, tous ces gens qui sont enfermés dans leurs petits vaisseaux spatiaux dans l'espace. En plus, vous allez forcément vous identifier à eux qui sont en train d'essayer de construire une société fermée entre 4 murs. Ça nous rappelle quelque chose. Donc, vraiment foncez, n'hésitez pas. Toutes ces séries-là que je viens de vous conseiller valent vraiment le coup. J'en aurais 10 000 autres, mais malheureusement, je suis apparemment limitée par un format, histoire de ne pas remplir trop cette messagerie vocale et la saturer. Donc j'espère que vous allez regarder les séries que je vous ai conseillées, j'espère que ça va vous plaire. Et puis bon, bah, la prochaine fois que je vous appelle, hein, merci de répondre au téléphone. Vous venez d'écouter Les Remèdes cinéphiliques d'Adeline Meheu, passionnée d'animé japonais et travaillant au sein de la plateforme de streaming Wakanim. Nous la remercions beaucoup pour son message. On remercie comme toujours Gabriel Régnier et Anna Mandico pour la musique et les illustrations créées pour nos émissions. N'hésitez pas à partager cette pastille si elle vous a fait du bien, si elle vous a intéressé ou tout simplement si elle vous a fait découvrir de nouveaux films. À la prochaine !